Vous avez compris, c'est Nuisance, Nuisance, c'est l'émission de toutes les nuisances, l'émission de nos sens. Oui, c'est nous, nous sommes là. Mon Dieu, on ne comprend plus rien, ça y est, c'est fini, la terre entière est morte. C'est la dégradation totale. Les cadavres sont purulents, entassés dans les rues. Sortez vos morts. Ce que je leur dis, mais ils m'écoutent pas. Ils sont trop paumés qu'ils sont. Les cadavres purulents. Purulence. Ouais, purulence. July 2007, part 1. I see Morty with his big blonde head crossing the street in front of me. I follow. I believe it's my role to follow him to the hillside of our destiny. I got 48 cents, a plastic rum, and a pack of Fleur de Savane cigars in my pocket. I got my keys and an old turned off cell phone too. I won't be using them. So, the day is coming, so I stopped the keys in the condom pocket, I took the bag in the room, the phone in my belt purse with my wallet, and the cell phone in the rest of the place. So I told him, I'm the guy about my wallet and belt purse, the keys with the room, I'm the one in the room, and then the phone in the room, and then the phone in the room, and then the phone in By that time, you were half drunk, half and drunk to yourself, to give you a moment to like that. But it's been 2 weeks since I don't have any business. I knew him by heart already. I took his game up, he stole the damn can, and bought sweet, candles. And the pack of candy and gorgeous were so good and probably suspicious. He talked about some bullshit like his worries or something. I just grabbed his ideas and talked on for like 5 months. That's 200 seconds non-stop. Not letting him get back. Vous êtes donc sur Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est 21h passé, 21h 34 et 35 secondes, sur les ondes du 92.2 FM, Canal Sudien, Toulousain, Français, Mondial, Humain. Vous êtes les bienvenus dans l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Ou qui l'émission qui nuit au sens, ou aussi l'émission qui de toutes les nuisances, voilà. Donc je vous permets de vous flatuler et de vous encombrer de inadvertances potentielles. Ne vous croyez pas donc inambulatoire. Vous êtes de ceux, et de celles qui pertissent dans la gosière et goduc et la mer tchokoloko et elle a fait les tchoule colé dans la mer. Et Joe Kelly, Faketo, Porkitiko, Faka, le Menor Kichifuku, Bougoutougou, la France c'est beau, la France. Moi ce que je veux voir, c'est des bons Français. The morning after I'll talk. I woke up on my back and I was manque stérile et payante. Ouais, le mix est trop bon ce soir. Vous avez vraiment de la haute qualité dans cette émission. Donc, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine ou dans la pays française. Du cul et de la gueule. Et voilà que je me plains. J'avais qu'à dire non à la drogue. À la drogue, ses enfants. Non, si, mais non, enfin. Et toujours donc cette déblatération incessante. Envie, c'est pas vrai que Dieu dit allez-y droguez-vous. Même qu'il dit pas ça, même que ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit. Ça veut juste dire allez-y. Mais gaffe à pas finir tox comme tous les prophètes. C'était tous des tox à Dieu, genre divinitox. Non pas moi, pas ça. La honte. Je veux pas finir comme ça. Quoi que, après tout, je suis pas sous tox. Tant qu'à faire, autant ne pas être ni itox, ni oblige, homme ou un mur. Sans toutes ces putains de virgules, qu'avec des points, etc. Je suis pas un tox, je suis mieux. Plutôt crevé, plutôt crevé. Bon, d'accord. Faut dire que je déprime pas. pas en manque d'affection. Ça veut donc signifier que je suis assez chotasse. Pas d'accord, je veux bien, même si ça grasse. Il faut dire que c'est acceptable. Non, j'ai en manque d'affection. Ah bon? T'es top, ça, quoi? Ah ouais? Tu vends. Pourquoi l'eau de l'affection? C'est genre tu trembles, tu sues, tu pues, tu te laves plus. Ou même tu te laves trop. Pour les attirer dans ta toile. CK1, le brut. Genre par exemple brut de pomme. Quelque chose comme ça. Allez, va chier. Je serai jamais un top de fiction. Je préfère encore crever. Bon, d'accord. Non, toi, t'as pas. Rigole pas. Pas trop à la prédomine. Ouais, pas obligé quand on a le produit. C'est vrai, c'est... Non, c'est pas vrai. Après tout, je suis dans le déni ou pas. Fin du 28-04-08. 30-04-08. Je m'entraîne à être dépouillé. Tout le temps dépouillé. Tous les jours, à chaque instant, défoncé. Il manque que l'eau. Non, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Après tout, tout. Faux, c'est une ordo. Ou deux, ou trois. Des gens qu'on connaît. Pas des amis, y'a pas vraiment d'amis, des vieux. Bam, fusillé. Encore à tout mélanger, du début à la fin. J'entends plus rien. Je note des trucs dans un cahier brouillon. Brouillon comme moi. Et défoncé comme toi, moi. Oui, je t'écris, je t'ai dit. Ça va continuer à se mélanger dans la tête, sur la base, dans la phrase, dans le bras, dans le sens, des yeux, déchirés, 1, 2, 3, 4, 5, quel con de dire des choses par là, comme s'il n'y avait pas déjà assez de malheur sur terre. Je me débrouille par exemple fracassé, comme déchiqueté, souffrant, malade, je fous de me dire, comme ça, comme s'il est comme ça, maintenant je me sens mal. Allez, bien, bien. Non, je suis à l'ouest. Total western, c'est la totale. Récemment, je suis déchiré, et en plus, je me sens mal. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis fait ça? Comme si j'étais pas déjà assez malade. J'ai une sale gueule. Ouais. Tout le monde. Tout différent. J'ai mal aux gencives. C'est à le déprime. Pourtant, t'étais bien avant. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis très con. J'aurais voulu être un génie. C'est pour ça que je me dépense. Pour être génial. Bien sûr, ça aide pas avec moi. Tout relativement à peu près pas de moi. Quand même sincèrement con. Disons que si t'étais un génie, tu te défoncer. Mais alors, du coup, alors tu comprends. Pas facile. Je l'ai carrément. Comprends, je veux dire. Pourtant, c'est un bon message que j'ai. Un message de fratrie. Pas un message d'exclusion ou quoi. Mais alors dépouillé, ça devient décousu et carrément débile, comme l'histoire. Et en plus, je me souviens plus de ce que je voulais dire. Si, je voulais dire non, je me sens plus, ça part. Et ça revient. C'est galère. Et en plus, c'est non. Ça devient pareil. Si, je me souviens encore. Je voulais te dire de pas faire comme moi. Parce que je viens de claquer. Des heures dans ma misère, misérable existence, mon putain existence. Je vais tuer le temps qui reste. Et en plus j'aurai mal, mal au crâne, partout. Je vais souffrir des heures durant. Et tout ça pour un peu de défense. Une défense de merde en plus. Marc, t'aurais raison de me le dire. Peut-être que je pourrais encore te dire de pas faire comme un petit. Ça va pas plus loin que ça. Je sniffe, je sens, je gerbe. Et voilà. Qu'on entreprenne grand chose, on va se mettre encore un peu plus la tête, difforme comme je disais, et ça flash dans les yeux fermés, blanc et bleu, je crois. J'aurais même pris mes couleurs. Toi, je me souviens de rien, je me rappelle de rire, très important ça, ou au moins sourire. Je peux parler encore, on va dire que je vaux quelque chose quand même. Même si je suis intox, toxico, même si mon cerveau part en vrille, même que j'ai encore oublié de faire quelque chose, je l'ai arrêté, mais je m'en fous, plus de rien, même pas de la fin, de la fin, on s'en fout, c'est une phrase de merde, ça y est, je le vois, ça y est, je me souviens même plus de ce que j'ai vu, tant pis, j'arrête, demain, ça y est, je recommence, la même connerie, encore et encore, toujours pareil, toujours différent, toujours pas pareil, toujours pas différent. Encore une fin de journée enduite. Depuis les 10 ans, je suis intense par le porc d'un corps de porc. Méchant pour le porc. Bon d'accord, corps de feu, méchant pour détruire. Bon d'accord, corps de marsouin, ta gueule, la tienne, alors mon paye ta dose. Bon d'accord, partage, ouais, comment il reste. Putain, c'est pas énorme. Non, mais si t'en veux pas, on aura plus pour moi. Ah d'accord. Bon d'accord, mais alors ta gueule, à toi quand même. Ok, je l'ai fait. Oh putain, c'est bon. Non, fais pas chier. Oh putain, c'est bon. Tu m'aimes ? Maintenant, j'aime le monde entier. Dans ma tête. Demain, surtout pas ce monde entier dans ma tête. Pourquoi pas ? Je suis pas ton père. T'es qui alors ? Toi et moi, je suis qui ? Personne. Tout demain. Fais chier. J'aurais tant voulu être quelqu'un. J'ai trouvé. Je peux être moi dans ma tête. Un sale bâtard d'enculé de race en dehors de ma tête. Il me manque plus qu'une chose, une belle grosse queue. Une belle grosse queue dans mon cul. Qui ramone, qui baise mon cul. Sans, je sens rien tout de suite alors. On pourrait même m'en mettre deux, ça me ferait rien. Même que je leur dirais rien. Même que je crierais rien, sauf peut-être. Vas-y, baise-moi plus fort. Je sens rien plus fort, espèce de bâtard de fils de pute. Et des gloulements de sueur, je pourrais goûter leur queue mat de merde, puant. Alors si je me foutais de canard, baissé, angèle dans le cul, alors qu'il me baise, alors ça aurait une odeur de parfum de sympa. Par exemple, ça me Marseille, j'avance. Vous êtes donc dans une émission pénible, s'il en est une. L'émission Nuisance est donc l'émission pénible, s'il en est une, sur Canal Sud 92.2, une radio libre. Est nécessaire. Mais entre temps, la planète tourne sur ses rondeurs atrophiées. Donc, une bonne citation pour placer. Donc, le thème de ce soir, c'est le thème. Nous allons donc pouvoir entendre du thème ce soir, de l'anathème, de l'épispothème, de l'épisphotème et du blasphème. Tout ça pour vous ce soir dans l'émission Nuisance, si vous restez avec nous après la pub. Voilà. Que je prends une traversée. Et puis, on enregistre les trois petits cochons qui surent des queues. Attendez, je balance la pub. Des Grecs, des Français, bien. Pourquoi aller voir ailleurs ? Surtout si les gens s'intéressent qu'à une seule chose, c'est leurs hémorroïdes dégoulinant le sang. Vert comme une tournesol avant le vol. Vincent, lors de son petit nom. Ou peut-être. Victoire ou vicieux, ou valeureux malheureux, ou chiant à chier. Il s'enfile des tubes entiers de paracétamol, codéine, dans la tronche de face de cul, de face de cou. Comme le patérien, des prédateurs ou vagabonds, Terminator de Stockholm. Tu sais le film, fait par un mec défoncé à l'école, au cul. C'est vrai, ça existe pas à l'école. Pour face de cul, genre réalisateur. Comme notre mère à tous, la très connue. Pas nous, mais pas les autres, frère. Bien la seule chose que j'essaie d'éviter, de me faire niquer par la terre, comme une planète. Qui n'est sur aucune map monde, sauf le nom. Les notes sur un tableau noir, c'est une enfer. Un dino, un tableau noir, pas noir. Je me souviens plus, ça y est. Ça me fraye en pleine tronche, ça me frappe en pleine tronche. Et je ne peux rien faire pour l'arrêter. Je me prends toutes les bagnoles qui passent, les unes à la suite des autres dans la tronche. L'une, après l'autre. Je me souviens encore de conseils que m'a donné mon père en clamsant. Il m'a dit « Fils, baise, fume, et fais-toi niquer par les hommes. Baise les femmes, et fais-toi niquer par les hommes. Ensuite, en avant, prends quelque chose, sniffle-le et jouis, parce que baiser, ça n'apporte rien sauf de la thune. » aux personnes dans les ruelles sombres du bled qui sont niquées ou qui niquent. En échange de quoi il y a un échange de bons procédés, enfin plutôt un ou deux billets de banque, pas trop gros. Goûtu les thunes, les avaler goulûment, tout en rôtant, et ensuite, bien plus tard, les gerber par le trou de balle. Thank you. c'est un enregistrement des textes de Lord Pyrrhus. A.K.A. Olivier Grosbois. Ceci est un hommage rendu à son nom. De... Après sa mort, ainsi nous voleurs volons, les truqueurs d'âme, les truqueurs de l'art, passion, fusion, l'écume des flots tumultueux vers les royaumes des étoiles, vers l'imagination, la fusion. Lord Pyrrhus. Merde. Lord Pyrrhus. Quoi qu'il en soit, je sais que tu as les couilles d'une femme bravache. N'oublie pas, on a tapé la main sur certaines idées. Elles étaient simples, qu'elles restent les mêmes. Essence, essentielle, ou essence, ciel, fusion, art. J'y crois toujours avec toi, le fantôme. La présidence d'un non-sens, la pestiférence du croyant, les rêves obliques fatigués. Peut-être vaut-il mieux la solitude. On peut tout refaire à zéro, Manu. Lord Pyrrhus. Être un tubard. Le pouvoir de donner la mort à chaque instant. Mort lente, différée mais assurée. Porter un tel poids n'est-il pas un fardeau? Se donner en spectacle. Être la risée de certains. Être la peur de l'autre, de l'inconnu. Être l'engeance de soi, n'être que molécule éternelle, ne naître que dans le charbon du diamant, à sans cesse renouveler, Lord Pyrrhus. Car par ce noir, soir, estival, le Saint Graal s'affale, s'esclave, la jante féminine, ta verge n'a même plus de rafale, Lord Pyrrhus. Que nier qu'il disparaisse de ma vie, je ferai de même, Olivier. À n'entrevoir qu'entre les lignes, fin 1999. Les coïncidences ne sont, le hasard non plus, à seule la destinée, réflexion, Lord Pyrrhus. À l'effet du machiavélisme, le système de l'oublier, envolé, Lord Pyrrhus. Saint Graal s'affale. Esclave la jante féminine, ta verge n'a même plus de rafale. En 13, 5824, in the head, du comte, mais il se appelle mon ivrogne. Et Pierrier en 15, A, B, en 1, C et demi, I, S en 22, Lord Pyrrhus, 23, 09, 2000. des prieurs ne puis être autre lors du tibus du juin 2000, once de la noche. Le corbeau, à l'adversité, nul ne s'enfuit, nul n'en tue, nul ne s'enfuit, plus rassasié, nul à jamais ne fut plus heureux, Lord Pyrrhus, mai 2000. Pourquoi le soir, pourquoi le noir, Lord Pyrrhus, 28-11-2000. Des fonds, des ultimes entrailles, là où n'existe qu'une colonie de vers, là où une danse macabre règne, soulève la montagne, les quatre éléments, le soleil clément, sinon chaos, avec un grand K, Lord Pyrrhus, 7-09-2000, 9h du mat. À l'horizon des étoiles, une canne se fut perdue au fil du temps, l'ancien titan fut un, au travers immémoriaux, ne discute plus qu'avec la jambe animale, d'un geste ancestral, d'une trouille bestiale, d'une tétine incommensurable. Il les mangea, ne se sentant rassasié, regarde vers le vert pâturage, Ishtar était là, Lord Pyrrhus, 9-4-2000. Car l'ultime se fit avec le ver transcendé, le noyau du restante, fille, myriade incessante de prix, ma tête auréolée, par ce cosmique, agonie mystique, à la source resplendissante, rejaillit la pluie, l'ordre virus, dédié. Le glace lavé de tout soupçon, tel que tu as montré de ta lame, une proche de celle qui n'en veut pas les pierres, au corps, proche de la Renaissance, noir et obscur de la transcendance, la vision obscure, du ciel, au saint Graal abandonné, à l'amour pardonné, à l'envie de crime, Lord Pyrrhus. D'un microcosme à l'impureté inavouée, car à la lune toujours lui le soleil, et surtout reviens-moi vite, l'injonction de l'ailleurs, de railleurs, je baille, d'ailleurs j'aboie, d'enfer je bois, de constellations divisées, de par la vente religieuse, de son étreinte mortelle, de sa perversité progressive, d'une lascive hypnose, la révolte de chaque élément, la pression de l'incommensurable, l'obsession du retour ne se retournera jamais qu'en toi-même. 3 mai 2000, Lord Pyrrhus. Structure de son utilisé, la morsure attirée de la peau, le glaçonne, comme le disque, et comme le perroquet, folle que dirait l'insol carlame. Ariane, la spartiate, aux lignes solitaires, à sa meute solidaire, les berbères de Gerle, et les perverses nettes verts, perdurent les génies incarnés, 6 mai 2000, Lord Pyrrhus. Écarlate. Ah, et Félicima, Aphrodite, Ishtar, sentier de lune pavée, flot sanguin de la Seine, Bordeaux, effarouché et mosqué, verres opaques, casques rouges, les haines meurtries, les enfants de la révolte, les gavroches, les mariannes, à l'approche de la liberté, à l'opprobre des avoués, se sont unis, mai 2000, Lord Pyrrhus. Espoir. Pour l'heure des décades introverties, sonne, sonne les cloches et perverties pour l'illusion exutoire des serments, s'entremêle la ligue des serpents, de ceux qui te broient aux langues fourchues, ton heure vient à l'encontre des vers. Pour l'horreur des textes, des cœurs horrifiés, s'en vont les fidèles moutons, et pour la fleur vaillante, l'immortelle Edelweiss, à jamais fondue dans l'univers, mais de mille, Lord Pyrrhus. L'enfant est violé, volé, justice et inconditionnelle, irrationnelle, plus heurté, le plus transcendante, qui, ô sueur, exhibée, se ronge les barbus, Marie s'envoie se foutre en l'air, philosophie mendiant, chaos des diamants projetés, aux pilleurs des sanctuaires, les glaces des blessés, le pont de neige fusionné, mais, de mille, Lord Pyrrhus. 40. Ah, c'est le royaume, l'adversité, je ne sens plus, je n'en suis plus rassasié, ni la jamais ne suis plus heureux. Carillon, déstabilisé, déstructuré, l'homicide en nombre imposé, déshabillé, déculotté, verge de titane, asexué, tente de l'eunuque, vocale lubrifiée, la larve a rompu les amarres, les larmes encouraillées jouissent, de la sanglante pupille, de celle qui avorte l'esclavage, l'enclave, de celle dont le sang rejaillit, belles se font les armes, pures se font les armes, et, venir, Lord Pyrrhus. Avoir l'humanité. En allant ailleurs, de plus de sûreté, corps ballant, l'âme dans le vent, de jamais, enfin qui manque, la belette. L'absolu, absolu, par le pouvoir en vent de la haine. L'anthropophage. mais ce nom, imposition de la conscience par un oui, à servir une personne en se servant de ses idées contraires. Lord Pyrrhus, phrase d'un essai, 1990. Douce rose noire, je veux te voir, je veux te boire, comme une belle histoire que je veux croire, Lord Pyrrhus, 1999. Olivier est mort, Lord Pyrrhus connaît. Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est 22h presque. Et c'est déjà la fin du monde. La fin du monde est déjà là. Nous allons donc tous mourir un jour. Quand dit-elle, la lise, quant au lys, à la lali, et quant à l'ivresse déglutie hérétique, Lord Pyrrhus, Lord Pyrrhus, Lord Pyrrhus, le problème de se réguler à la juste température, admère au loin, Lord Pyrrhus, Manu, hélicité. Et donc, comme je vous disais, nous allons tous crever dans une merde absurde, pas possible. Lord Pyrrhus, charogne gravée en mon cœur, ivrogne désespérément déçu de vous-même, détruire cette gravité, rotation de l'axe des accès, des abusés, et non pour plainte de Lord Pyrrhus, dans ce côté des vies, c'est la mort, elle vite la vida, elle se dios que le dice, mais sachez, âme infâme, que je reviendrai vers vous chargé de haine, et de soupçon suivra, Lord Pyrrhus, à Lord Pyrrhus, sur l'écume de nos rêves, imperceptiblement, l'inconnu avance, couleur de la main, jusqu'à ses paupières diaphanes, diapason de l'accord, indéfinissable, qui toujours me transporte, 10, 02, 91, C, R, mais ce nom, imposition de la conscience par un oui, à servir une personne, en se servant de ses idées contraires, Lord Pyrrhus, phrase d'un été, toute rose noire, je veux te voir, comme une belle histoire, que je veux croire. Ainsi nous voleurs volons, les truqueurs d'âme, les truqueurs de l'art, passion, fusion, les truqueurs de culture. C'est donc la fin du monde, chers auditeurs et auditrices. Vous avez donc compris, la fin des ondes. Il n'y a plus de radio hertzienne, c'est fini, vous pouvez éteindre votre poste. Nuisance est passé par là, donc bienvenue, c'est le monde nuisant. De la nuisance et des nuisances. Nous allons donc tous crever dans une merde pas possible. Il est passé 10h, allons donc nous faire foutre. Oui, nous faire foutre. Nous foutre Dieu dans le cul et bien profond. Nous sommes enculés quoi, et enculeurs de mouches, nous sommes des mouches, nous nous enculons nous-mêmes, nous sommes de la merde, de la pourriture humaine. Thank you. 64, quand dit-elle, quand dit-elle, Mali, quant au lit, à la Lali, et quant à l'ivresse déglutiétique, Lord Virus, Lord Virus, Lord Virus, le problème de se réguler à la juste température, admère au joint, hélicité, absurdité, trilogie, absurde. Charogne va vers mon cœur, ivrogne désespérément déçu de vous-même, détruire, détruire cette gravité, rotation de l'axe désaxé, désabusé, mais non pour plainte de leur virus, nos épouses de vivir, c'est la mort, elle vit, c'est la vie, et c'est Dios qui est venu sur Canal Sud. Et sachez, âme infâme, que je reviendrai vers vous, chargé de haine, et ceux qui s'enfuiront. Après notre petite guerre, évidemment, l'énorme et gigantesque guerre, peut-être le contraire, je ne me souviens plus de quel pays. Je me trouve que mais ce nom, imposition de la conscience, ben oui, asservir une personne en se servant de ses idées contraires. Parlons-en, les pays, donc voilà. Le pays. La nuisance. Que la nation nuisante. Les marginaux nuisibles. Tout ça donc comprend nuit. Donc c'est la racine donc, du verbe nuire. Ça permettra donc de comprendre pourquoi. Et pourquoi. L'intention donc derrière tout ça. Vous allez comprendre la volonté ce soir. Donc je vais vous diriger lentement vers un état de méditation sandentale, comme le santal, ou les sandales. Tout ça combiné en un mot, sans le transgenre, justement, le trans qui fait penser donc à transgenre, à transsexualité. Nous n'avons pas parlé de sexualité, n'est-ce pas, mon cul. Perversion ce soir, nous n'allons pas parler de désir, nous n'allons pas parler de passion, pas pour la musique en tout cas. Je rappelle que ceci est un son naturaliste enregistré dans la nature, donc c'est de l'eau cool qui goûte dans un bac en pierre, plein d'eau. Cheyo. Et donc tout cela pour vous amener vers un état donc sans mental, comme je disais tout à l'heure, ou trans, pour inopinément vous lubrifier le derrière, pour ne pas vous pénétrer de tout le sens que je trouve dans la nuisance. Parlons du hic en Sonic. Pas du hérisson, bien sûr. En 13, 58, 24, in the head. Bon. Vous êtes donc face à la mort, face à vous-même, seul, comme d'habitude. Merde. Comment on va faire maintenant ? Comment on va faire ? Vous pouvez me le dire maintenant ? Merde ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Bordel de... Non ! Fais pas ça, non ! Fais pas ça ! Non ! C'est horrible ! C'est horrible ce que tu fais ! Tu vas crever ! Ouais, tu vas crever ! As I was saying, there was something very, so I gotta fucking admit that there's something wrong there. Et il passe à droite, il passe à gauche et il marque le but. Traduit pour les Français. con. Sans manger de fou, sans qu'il y a tous les autres. Quand chante, on arrive à tout ce qui est. C'est le résultat. Thank you. Vous écoutez l'émission Nuisance qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Thank you. jusqu'au courant, c'est l'enfer. L'enfer est enfin sur Terre. Merci l'enfer d'être venu sur Terre. Nous remercions l'émission Nuisance, Canal Sud, bien sûr, la radio émettrice, et tous les participants à cette grande aventure. L'émission Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens et qui est l'émission de toutes les nuisances. Pour vous ce soir, le bonheur le plus putride qui existe sur Terre, celui de la souffrance, celui de l'irréalité, celui de la stupidité même humaine, toujours humanité, basse humanité, auquel est basse cette humanité. Et un petit Larsen en prime. Cadeau de la maison, nous vous prions d'éteindre vos postes, car ceci est l'émission qui nuit au sens. Allons donc tous nous faire foutre de merde et nous faire enculer. Oui, bien profond. Nous aimons cela, nous faire enculer profond. Oh oui, encore. J'aime ça. Oui, encore. Je vous disais donc, ce soir, l'émission Nuisance s'est consacrée à vous déblatérer des non-sens totalement inconsidérés. Et tout inconsidérants qu'ils sont, ils vous enculent profond, le producteur de cette émission, car il n'en a rien à foutre de rien, et rien à foutre du tout. C'est la même chose pour lui, car à la fin, le tout et le rien, c'est la même chose. Thank you. Cette émission, nous ne comprenons plus rien. L'enfer est donc sur Terre. Ça y est. L'émission Nuisance touche à sa fin. L'émission Nuisance touche à sa fin. Et vous allez pouvoir vaquer à vos occupations originelles. Sinon originales. Minutes 30 environ pour pouvoir vaquer à vos occupations originales ou originales. Et pendant ce temps, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées toujours du ciboulot pour tantôt vous oublier. C'est donc la fin, donc, comme je vous le disais, de l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. J'espère que vous ne comprenez absolument rien. C'est le but. Le but de cette opération tangentielle, momentanée. Vous vous êtes oublié. Vous êtes oublié, peut-être les deux à la fois. Oh, que d'espoir, que nuit. pourquoi tant d'espoir, après tout, que la vie dénie. Nous allons bientôt crever, ça y est, l'abcès est purulent. Nous allons pouvoir le crever, cet abcès de merde, qui pue, le brûlant. Allons nous faire enculer, quoi. La merde, quoi. Allons nous faire, quoi. Enculer, quoi. Merde, quoi. Putain, fais chier. Et c'est fini l'émission, nous allons toucher à sa fin. Allons vous faire enculer. Oui, c'est bien le but de ce soir. Un magnifique goal sur l'allons nous faire. Oh oui, quelle belle enculade que cette belle émission de merde. Nuisance, c'est vraiment de la merde. Allons vous faire enculer. Allons vous faire. Vous êtes de la merde, nous aussi, nous sommes de la merde. Nous sommes vraiment des enculés. Merde.